Alors c'est le moment où Léa va se faire plein de copains. C'est la minute bashing. C'est le pantouf dans ta gueule. Et oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vais envoyer une pantoufle dans la gueule de Sofia Coppola et de son Lost in Translation. C'est un film qui nous parle de l'ennui tout en nous ennuyant. Une belle illustration donc de son propos. Le style est constamment le cul entre deux chaises puisque c'est soit trop léger, soit trop profond. En effet, le film est trop lourd pour juste se détendre, mais les personnages ne sont pas assez travaillés pour nous apporter une véritable réflexion sur leurs conditions. Le scénario est blindé de clichés sur les Japonais à la limite du racisme, à coups d'arcades de jeux vidéo aussi nombreuses que des Starbucks à New York, à coups de Japonais hystériques qui font des phrases de 10 minutes pour seulement dire deux mots. Sous une autre forme, genre comédie française de Philippe de Chauvron, ce ne serait jamais passé. Mais là, c'est un dé, alors on applaudit. Et en plus, comme c'est réalisé par une femme, on ne peut pas crier au sexisme et à l'utilisation de la femme objet face à une Scarlett Johansson en petite culotte pendant tout le film. C'est non justifié et non justifiable, désolé Sophia. On attend l'intrigue, le climax même, pendant les deux tiers du film, puis il faut se résoudre à l'évidence. Il n'y en a pas. Tout simplement, on attend tout simplement que l'histoire commence, on attend, pendant 1h40, et puis en fait, c'est fini. Les actions des personnages, si on peut appeler ça des actions, sont d'une débilité ordinaire. Oh, j'avais encore trois phrases. Et oui, il faut savoir que Léa a une minute pour démolir un grand classique. Mais quand même, tu t'es bien débrouillée là. Ouais, ça va, j'avais mieux, mais ça va. Merci. Je vais mieux maintenant. Merci Léa. Toujours sous protection judiciaire, policière. Toujours. D'ailleurs, les invités ne me donnent jamais de points à la fin. Je reçois des menaces de mort. Mais je continue et la semaine prochaine, vous en aurez un bon. Tu m'étonnes.